Introduire le morceau suivant de l'anonyme groupe Widespread Panic, le morceau qu'on se fait dans Pop and Rock sur RVR et sur RVR seulement, c'est Fishing, suite logique ce soir, après America et 10 Years After, on écoute Widespread Panic avec le morceau Fishing. Inspiration. Oh, she barely waits a moment. Elevator doors open. Hear her footsteps touch the stairs. Words walk by, describing definition. Stop and talk about it. Just too easy. ideas come to life, turning atoms into rain and stone, the sands and tall trees. The world's passed by, horrifying description. Stop and talk about it. Je suis preneur, appelez-vous Right Spread Panic avec le morceau Fishing. Ça fait des années que je cherche, mais à ce jour, rien avec une belle qualité sonore. Alors cherchez et grattez pour moi. Gratter et chercher sur YouTube notamment, c'est ce qui m'a permis de trouver le groupe suivant, The Warlocks, avec le morceau Dearson, que j'aime notamment pour sa filiation au groupe Brian Johnston Massacre. Yeah. maintenant on se calme, on se recueille, on se prépare pour un mai fin. Deux titres enchaînés du groupe maudit de Anton Newcomb, The Brian Johnston Massacre. Thank you. Peut-être, si vous voulez connaître l'histoire de leur genèse, de leur décadence et peut-être même des origines de leur future mort, il vous faudra voir le film Dig, dans laquelle le groupe de Anton Newcombe partage l'affiche avec notre groupe suivant, que j'adore aussi, malgré sa grande irrégularité, les cousins du Brian Johnston Massacre, les Dandy Warhols, ce soir et ce soir seulement dans Pop and Rock, avec le titre Not Your Bottle. Ten Years After, les Brian Johnston Massacre, les Dandy Warhols, dur d'assurer le suite ce soir dans Pop and Rock. Alors j'ai choisi Kangourland pour trouver le rocker défunt, la nouvelle pépite du rock maudit. Ce soir c'est donc Roland Hayes Howard avec le morceau Dead Radio. Au départ j'ai prévu de vous faire écouter une version de ce morceau extraordinaire. Malheureusement la bande son n'est pas bonne, donc on va en écouter quelques instants. Ensuite on partira sur une autre version live de Dead Radio de Roland Hayes Howard. When we're with you.

Road, j'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir l'ex-pote de Nick Cave. Vous verrez, c'est plein de pépites, notamment le morceau Pop Crimes. Mais revenons à nos moutons et poursuivons ce soir un pop and rock sur RVR, plein de mes morceaux préférés. Et pour ce faire, rendez-vous à Atlanta pour retrouver un amoureux de Manchester, le barbu de Manchester Orchestra, avec deux morceaux live. Tout d'abord Top Notch, suivi du rayonnant Virgin. God, I wish we liked baseball. be the same. Never gonna be the same. Never gonna be the same. Never gonna be the same. How about that? Great. Thank you, kid. Thank you very much. Wow, Virgin de Manchester Orchestra. Allez, on reste en live radio à défaut d'être en real live avec ça. Merci beaucoup. Base de notre générique, c'était les Lanskys avec le Dirty Harry en version live. There's a place, think that you could take me there if you only show me where. 'Cause I've been waiting in despair if there's a need to lose my rags and change my name, it is a creed. 'Cause these rooms start to feel the same if the fire comes too close, don't bother. Picked it up, I did first hand. If the fire comes too close, don't bother. 'Cause the tide swallows one after another. When the freezing starts to win, don't bother. draw the curtains and uncover. I will line up in your shadow, sweep the dirty road I follow. Picking up the card, my lover, roll the curtains and uncover. I will light up in your shadow, sweep the dirty road I follow. Build a fire across too close, I'm bothered. Belgique libre avec Balthazar, groupe belge anglophile, avec le morceau à l'instant Leipzig, que j'ai découvert un peu par hasard une nuit en traînant sur le net en regardant un concert de la Nouvelle Belgique dans lequel ils enchaînaient les perles. Et en parlant de perles, on reste en Belgique avec Warhouse, un groupe d'un des deux chanteurs de Balthazar. Well, you let me in, I'll take it away. Let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. To know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's soit ancienne ou nouvelle, on fonce chez les grands Bretons toujours en vie. The Cure, A Night Like This. C'est fini pour ce soir et on se quitte avec encore un petit peu de Cure. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. shifting crimson vines, soak on hips, slide under my hand, swollen lips, whistle my name.